elle s'inspire du projet qui a préconisé donc l'instauration d'une taxe de l'ordre de 0,5% sur tous les êtres humains de la planète. Un grain de sable. Le problème aussi qui est posé le jour où on se retire. C'est un remake soft. Les gouvernants ne pourront pas. Il n'y a rien de farouche là-dedans. Tous les êtres humains de la planète. Le dire, le faire savoir, c'est tellement énorme ce qui nous prépare. Contacter .org. Tac, tac, tac. C'est pas facile parce qu'on est tous très occupés, mais... Thank you.